Imaginez une étagère dans un bureau ou une librairie. Ne perdez pas de vue la visualisation. Écoutez les bruits éventuels. Sentez les livres ou les dossiers ou les cassettes. Goûtez le bord d'une cassette poussiéreuse. Touchez les meubles et ce qu'il y a dessus. Posez-vous des questions pour approfondir encore l'expérience. Qui s'en sert? À quoi cela sert-il? Ne pourrait-on ranger les choses autrement? Maintenant, grâce à votre seule imagination et avec l'aide de tous vos sens, visualisez les mots suivants en coupant la cassette pendant tout le temps nécessaire pour les visualiser un par un. Dimanche 10 janvier 2016 au magasin Groovage rue des Tables Claudiennes à Lyon. Venez fêter l'étagère à cassettes avec des nouvelles cassettes de plein de labels et du mix cassette toute l'après-midi. Sunday, January 10th, 2016, at the store Groovage Street Claudian Tables in Lyon. Come celebrate the shelf K7 with new tapes, full labels, and cassette mix for our friends. DJ Innovator when it comes to scratch. Redneck Express, Howie T.